بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 64 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. C'est le charh Qurrat Uyun al-Muwahidin, c'est le charh du petit-fils de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan. Et les commentaires sont les commentaires de Cheikh al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala. On lit, Inch'Allah, les deux. Donc, on est arrivé à l'explication du hadith. Et c'est le deuxième hadith dans ce chapitre, qui est le chapitre Ad-Dua ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire l'invitation ou l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Et c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Donc il explique ici le cheikh, il dit « Wa qawluhu an Sahl ibn Sa'd ay ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi Abu al-Abbas sahabiyun shahirun wa abuhu sahabiyun aydan mata sanata 88 wa qad jawaza al-mi'a qawluhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر. Donc on va traduire ça. Ici, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit donc qu'ensuite, il rapporte le hadith selon Sahl ibn Sa'd, et Sahl ibn Sa'd ibn Malik, ça c'est son nom au complet, ibn Malik ibn Khalid al-Ansari, donc il est parmi les Ansar de la tribu de Al-Khazraj, donc il est Al-Khazraji, et il est Al-Sa'idi, et sa kunya c'est Abu al-Abbas. Donc Sahl ibn Sa'd, sa kunya c'est Abu al-Abbas, et il est un parmi les sahaba qui est célèbre, et son père était également un sahabi. Donc Sa'd, lui c'est Sahl, le fils de Sa'd, et Sa'd, son père est un sahabi aussi. Et Sahl ibn Sa'd est mort en l'an 88 après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à sa mort il avait dépassé 100 ans. Et donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour de l'expédition vers Khaybar pour aller combattre les juifs qui s'étaient réfugiés à Khaybar. Donc il a dit: je vais donner la bannière demain à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire. Allah va nous donner la victoire par sa main. Donc, ça c'est le hadith en question. Et il y a dans ce hadith une annonce de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va y avoir une victoire, ou qu'il y allait y avoir une victoire. Et ça fait partie des signes de la prophétie, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce quelque chose et que cette chose se produit, ça c'est un signe que c'est un prophète, puisque seulement un prophète peut annoncer une chose de cette façon, puis que cette chose se produit réellement. Et la chose s'est produite telle qu'il l'avait prophétisée. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça. Il dit: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وخيبر بلد أو حصن من حصون اليهود يقع شمال المدينة بينهما مسافة طويلة أو بينهما مسافة طويلة قد انحاز إليه اليهود الذين يعني جلوا من المدينة وانضموا إلى إخوانهم الذين هم في خيبر. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبية أمره الله بغزو اليهود في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى غزوة خيبر، وهي بلاد كثيرة الحصون وكثيرة المزارع وكثيرة الإنتاج، وكانت بيد اليهود، وكان اليهود يستغلونها لمحاربة الإسلام. فأمر الله نبيه بغزوهم وانتزاع خيبر من أيديهم لتكون قوة للمسلمين وللدعوة إلى الله عز وجل. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وطال الحصار، وحصلت على المسلمين مشاق في هذا الحصار من مكابدة الجوع وطول الحصار. بينما هم كذلك بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح، وهذا مما أطلعه الله عليه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقال لأعطين الراية غدا، والراية العلم الذي يسير عليه المجاهدون، يرفع لهم العلم يسيرون خلفه ويقتدون به ويجتمعون حوله، يسمى الراية ويسمى العلم. On va expliquer donc jusqu'ici qu'est-ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'on a lu. Le cheikh il dit donc que le hadith de Sa'd ibn Sahl, qui dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar, et Khaybar c'est un lieu ou c'est un endroit, une ville. Et cette ville-là, dans cette ville-là, il y a beaucoup de forteresses. Et ces forteresses appartenaient aux Juifs. Et le lieu où se trouve cette ville de Khaybar, c'est au nord de Médine. Et il y a entre Médine et Khaybar une distance très grande. Et les Juifs s'y étaient réfugiés après avoir été expulsés de Médine. Et ils se sont réunis, ils se sont joints. À leurs frères qui étaient déjà présents à Khaybar parmi les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une entente de paix avec les mushrikines l'année de Al-Hudaybiyah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de combattre les Juifs de Khaybar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, et on appelle donc cette bataille la bataille de Khaybar. Et donc, dans cette ville de Khaybar, il y a plusieurs forteresses et beaucoup de... Il y a beaucoup de terres qui sont cultivées. Dans cet endroit-là, il y avait beaucoup de terres qui étaient cultivées, des champs et également des dattiers. Et... Ils produisaient beaucoup de fruits dans cette région-là, beaucoup de dattes. Et cette ville était entre les mains des Juifs, et les Juifs l'utilisaient pour combattre l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de les combattre et de leur enlever cette ville de Khaybar, pour qu'elle soit une force pour les musulmans et pour inviter les gens à Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, il les a assiégés, et c'était un siège qui a duré assez longtemps. Et un siège, lorsqu'il dure longtemps, ça, c'est quelque chose qui est parfois très difficile. Et effectivement, cette fois-ci, ça a été difficile pour les musulmans. puisque yani à partir d'un certain moment yani il peut y avoir disons beaucoup de difficultés dans ça, puisque il faut nourrir les gens, donc il y a de la faim, et parfois il peut y avoir des maladies, il peut y avoir toutes sortes d'autres difficultés qui atteint les gens qui font le siège. Et donc, par conséquent, yani, la victoire était lente à arriver. Puis, à un moment donné, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y allait y avoir une victoire, que la victoire était proche, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fait voir cette victoire. Et donc ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit donc ce qui est mentionné dans ce hadith. Il a dit: je vais donner demain la bannière ou le drapeau, hein, à un homme en particulier. Et il n'a pas dit qui c'était tout de suite. Et quand on dit raya, comme c'est mentionné ici dans le hadith, raya, le cheikh il dit, c'est-à-dire l'alam. L'alam, c'est le drapeau. Et dans les guerres, il y avait toujours un drapeau et quelqu'un qui porte le drapeau, ou bien une bannière, un drapeau et quelqu'un qui porte le drapeau. Et le fait de porter ce drapeau-là, c'est un honneur en réalité, parce que les combattants se réunissent autour de ce drapeau-là et ils suivent ce drapeau, et lorsqu'ils ont besoin de se rassembler, ils se rassemblent autour de ce drapeau. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle Ar-Raya, et on l'appelle aussi Al-Alam. Le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la utiyanna ar-rayata ghadan, yani ay min al-ghad, rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. ووصف هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، فهذا فيه منقبة لهذا الرجل العظيم، وفيه أن الله يحب سبحانه ويوصف بأنه يحب، وفيه أن المؤمنين يحبون الله كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc demain je vais donner le drapeau, hein, demain je vais donner le drapeau ou la bannière à un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Et donc ça, c'est une caractéristique et une description de cet homme, qui sont des descriptions et des caractéristiques vraiment importantes. Et donc, Allah et son messager aiment cet homme, et cet homme aime Allah et son messager. Donc ça, c'est une description, une caractéristique vraiment élogieuse et importante pour cet homme-là, parce que tout le monde aspire à se faire aimer d'Allah, et à être aimé d'Allah, et à aimer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et en même temps, ici, le cheikh explique que ça, c'est la preuve également que Allah subhanahu wa ta'ala, on a le droit de le décrire comme étant quelqu'un qui aime, hein, et qu'il a cet attribut d'aimer. Et que les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 54, dans Surat Al-Mu'minun, dans Surat Al-Ma'ida, il dit: فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir un peuple, hein, ou des gens qui aiment, que Allah aime et qui aiment Allah. Donc, ce hadith est en accord avec ce qui est mentionné dans ce verset. Et ensuite, le cheikh explique donc que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment, ça c'est donc un témoignage que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait pour cet homme qui va recevoir le drapeau, ou à qui le messager d'Allah va donner le drapeau. Il dit فَعِنْدَ ذَلِكَ الصَّحَابَ فَعِنْدَ ذَلِكَ الصَّحَابَ لِحِرْسِهِمْ عَلَى الْخَيْرِ صَارُوا يَتَسَأَلُونَ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ مَنْ هُوَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي وَصَفَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْعَظِيمَةِ صَارُوا يَبْحَثُونَ كُلَّ اللَّيْلِ يَدُوكُونَ يعني يخوضون كل الليل من هو هذا من هو هذا الرجل كل واحد يرجو أن يكون هو حتى قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ أخرجه مسلم يدهكون ليلتهم أيهم يعطاها كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الراية أو يحصل على هذه الفضيلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في الجاه وإنما طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه مبكرين من الحرص كل واحد منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل كل واحد منهم مقدم نفسه لله سبحانه وتعالى بشجاعة وإقدام ورغبة فيما عند الله. Donc le cheikh il explique que à ce moment-là, donc les sahaba ils ont parce que les sahaba ils ont un désir ardent de tout ce qui a rapport avec le bien et ils veulent le bien et ils aiment le bien. Alors ils ont commencé à se poser la question les uns aux autres et à essayer de savoir qui était cet homme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait décrit avec de telles caractéristiques. Et donc ils ont passé toute la nuit à essayer de discuter pour savoir qui cet homme-là pouvait être parmi eux. Et chacun d'entre eux espérait pouvoir être celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Jusqu'au point que même Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim, que yani, il a dit, je n'ai jamais aimé ou je n'ai jamais souhaité être un chef d'armée ou bien un amir ou un dirigeant ou d'avoir la gouvernance dans quoi que ce soit, excepté ce jour-là. Excepté ce jour-là. Donc, ils ont discuté entre eux toute la nuit à savoir à qui va-t-on donner ce drapeau demain. Et chacun d'entre eux souhaitait avoir cet honneur, cette fierté de pouvoir avoir le drapeau et de pouvoir avoir ce mérite que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné. Et ils ne souhaitaient pas ça parce qu'ils aspiraient à quelque chose de la dunya ou parce qu'ils aspiraient à une position ou à un honneur, c'est-à-dire pour être fier, non, dans cette dunya. C'est pas ça leur intention. En fait, ils aspiraient à cela dans le but d'obtenir ce qui vient d'Allah, de pouvoir faire partie de ceux que Allah aime. Et au moment où, justement, l'aube est arrivée, ils se sont dépêchés à rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont donc partis très tôt, dans le désir et l'espoir que yani, chacun d'entre eux désirait ou espérait pouvoir être cet homme. Et donc chacun voulait yani, se placer lui-même en avant et partir avec courage et obtenir justement ce mérite et cette grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله وذلك أنه أصابه رمد رضي الله عنه في عينيه فلم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه فجيء به يقاد من شدة الألم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني نفث في عينيه من ريقه، فبرئ كأن لم يكن به وجع، برئ في الحال. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن بركات ريقه عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية، يعني صار ذلك هو الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة وهذه المزية. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، من أعظمها هذه الفضيلة. وما أحبه لله ورسوله، وما حبه لله ورسوله وحب الله ورسوله له، فليس هذا خاصا به، وإنما كل المؤمنين وكل إخوانه من الصحابة يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن الرافضة والشيعة يقولون هذا دليل على أنه هو الأحق بالخلافة، لأنه هو الذي اتصف بهذه الصفة. نقول هذه ليست خاصة به، أبو بكر رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعمر رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعثمان رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل الصحابة كذلك. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بهذه الخصيصة، لا لأنه هو وحده الذي هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، بل لأن هذا فضل من الله تفضل به عليه. Donc ici le cheikh il explique. Ensuite il dit que à ce moment-là le prophète صلى الله عليه وسلم a dit où est Ali ibn Abi Talib. Alors les sahaba ont dit: ô messager d'Allah, il se plaint d'un malaise aux yeux, il a quelque chose dans les yeux. Et le cheikh il explique que c'est parce que il y a de la poussière qui était rentrée dans ses yeux, donc ses yeux le fatiguaient, il avait un problème. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on le fasse venir. Donc ils sont venus avec lui en l'aidant parce que il avait mal aux yeux, tellement il avait mal aux yeux qu'il ne pouvait pas marcher tout seul. Donc ils sont venus avec lui, et aussitôt arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis de sa salive dans ses yeux, il a craché dans ses yeux. Et sous le champ, tout ce qu'il avait comme malaise aux yeux est disparu tout de suite. Et donc ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la bénédiction de sa salive. Yani sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a donné le drapeau à Ali radiallahu anhu. Donc finalement, cet homme était celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé et qui possédait les caractéristiques qu'il avait énoncées auparavant. Et donc, ça fait partie des éloges et des mérites de Ali radiallahu anhu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné comme étant celui qui allait avoir qui a cette caractéristique-là en particulier. Donc, c'est une belle annonce pour lui et une particularité pour lui, et un de ses mérites parmi ses nombreux mérites. Donc, parmi les plus grands mérites, celui-là. En ce qui concerne le fait que Allah et son messager l'aiment et que lui il aime Allah et son messager, mais ça par contre c'est pas spécifique à Ali radiallahu anhu, puisque tous les croyants et tous ses frères parmi les sahaba aiment Allah et son messager, et Allah et son messager Allah et son messager les aiment, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Minhaj al-Sunna, en réfutation au Rafida, parce que les Shia Rafida parfois ils ont essayé d'utiliser cette narration pour essayer de mentionner que ça c'est la preuve que c'est Ali radiallahu anhu qui méritait d'être le Khalifa, et que c'est lui qui avait plus de droits au khilafa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu en disant non, ça c'est pas spécifique à Ali radiallahu anhu, puisque tous les sahaba aiment Allah et son messager, et Allah et son messager aiment tous les sahaba. Et par exemple, il a mentionné Abu Bakr. Abu Bakr, Abu Bakr aime Allah et son messager, et Allah et son messager aiment Abu Bakr. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu aime Allah et son messager, et Allah et son messager aiment Omar ibn al-Khattab, et Othman également aime Allah et son messager, et Allah et son messager aiment Othman radiallahu anhum ajma'in. Et ce sont ceux-là les trois meilleurs de la Ummah dans cet ordre. Alors, yani, ça c'est juste un exemple, parce qu'en réalité tous les sahaba aiment Allah et son messager, et Allah et son messager aiment tous les sahaba. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu ici, dans ce hadith, mentionner Ali radiallahu anhu de façon particulière, avec cette caractéristique spécifique, parce que c'est lui seul qui... non pas parce que c'est lui seul que Allah et son messager aiment, et qui aime Allah et son messager, mais parce que c'est lui seul qui allait avoir ce mérite, et que Allah subhanahu wa ta'ala allait combler de cette grâce d'avoir cette victoire et de porter cette bannière et ce drapeau. Et c'est pour ça qu'il lui a donné le drapeau. Il dit فَعَطَاهُ الرَّايَةُ وَقَالَ لَهُ أُنْفُذْ يعني اذهب على رسلك يعني بهدوء وسكينة لا يكون فيه صخب ولا جلبة ولا طيش ولا سرعة في المشي أو ركض. هذا ليس من صفات المؤمنين. صفات المؤمنين السكينة والوقار والثبات والهدوء كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة فهذه من صفات الجبناء. أما الثبات عند اللقاء وعدم الطيش وعدم العجلة هذه صفة الشجعان، ولا سيما أهل الإيمان فإنهم يثبتون في المعارك وفي لقاء العدو لا يتزعزعون ولا ينتهزون ولا ينهزمون أمام عدوهم مهما بلغ بهم عدوهم من النكاية فإنهم يثبتون. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي تقرب منهم، وهذا من تمام الشجاعة أنك تقرب من العدو ولا تكون بعيدا عنه تناوشه من بعيد، بل تقرب منه ومن ساحته لأجل أن ترعبه وترهبه. Donc ici le cheikh il explique la suite de ça. Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le drapeau. Et il lui a dit, pars et va doucement, pars tranquillement. Ala rislik, c'est-à-dire rien, calmement, doucement, sans qu'il y ait de précipitation, ni de. Pas besoin de te précipiter, de courir ou de t'énerver. Yani, vas-y doucement et calmement et paisiblement. Et il dit ça fait partie des caractéristiques des croyants. Les croyants, yani, ils parlent et ils marchent avec tranquillité, avec paix, avec fermeté, avec douceur. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 45 dans Sourate Al-Anfal, ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe parmi les mouchriquins et les kuffars, alors soyez fermes et rappelez-vous beaucoup d'Allah pour que vous ayez le succès. Tandis que l'énervement et les de lever la voix, de crier, hein, de se précipiter. Il dit ça, ça fait partie des caractéristiques des peureux. Tandis que la fermeté, lorsqu'on rencontre l'ennemi, et ne pas s'énerver, hein, ne pas se précipiter, ça, ça fait partie des hommes, des caractéristiques des hommes qui sont courageux. En particulier les croyants, les gens qui ont la foi. Ils sont fermes lors des rencontres de l'ennemi dans les batailles. Et lorsqu'ils rencontrent l'ennemi, et ils ne se laissent pas ébranler, et ils ne se laissent pas non plus battre, hein, ils ne s'enfuient pas devant leur ennemi, peu importe ce que leur ennemi peut avoir comme force, hein, et comme armement ou autre. Et donc, le cheikh, il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit donc de partir avec calme et avec de façon ferme jusqu'à ce qu'il arrive devant leur forteresse, yani, hein, sur leur place, devant leur forteresse, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'eux. Et ça fait partie d'un grand courage lorsque l'ennemi est capable de se rapprocher. Hein, lorsque quelqu'un est capable de se rapprocher de l'ennemi et qu'il va jusqu'à devant chez lui, ça veut dire que il va pas attaquer l'ennemi de loin, mais il se rapproche jusqu'à ce qu'il soit, hein, à sa portée, hein, devant la place, la grande place, et il se rapproche d'eux, et ça met la peur et la crainte dans le cœur de l'ennemi. Le cheikh, il dit ensuite, ثُمَّ دُعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهَذَا فِيهِ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ يَبْدَأُ بِهَا قَبْلَ الْقِتَالِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَدَاءَ بِالْقِتَالِ قَبْلَ الدَّعْوَةِ فمن استجاب فإنه يقبل يعني فإنه يقبل ومن لم يستجب فإنه يقاتل بعد أن تبلغه الدعوة ويعني تقوم عليه الحجة وهذا محل الشاهد من الحديث الدعوة إلى الله وأنها سابقة للقتال في سبيل الله عز وجل وذلك يدل على أهميتها ومكانتها من الدين ولم يقتصر على قوله ادعوهم إلى الإسلام بل بين لهم ما هو الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني اشرح لهم الإسلام وبينه لهم حتى يعرفوه يعني بعض الدعاة يرغبون في الدين ويرغبون في الإسلام ولكن لا يعرفون ما هو الإسلام وما في نواقضه وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام وما هي مكملات الإسلام وما هي متطلبات الإسلام وهذا مما يتطلب من الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه بالتفصيل حتى يبين للناس المطلوب والمقصود والمقصود يبين للناس حقيقة الإسلام وأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يبين لهم هذا وأنه خمسة أركان ويقوم عليها وأن بقية الأعمال الصالحة مكملات للإسلام منها واجب ومنها مستحب وأن المعاصي منقصات أو مناقضات للإسلام منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك ويبين لهم هذا الأمر ويوضحه لهم فهذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. Et donc le cheikh il explique ensuite que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois que tu arrives sur leur place, hein, devant leur forteresse, tu les appelles à l'islam, tu les invites à l'islam. Et donc, il dit ça, c'est la preuve que avant le combat, il faut commencer par la da'wa. C'est-à-dire qu'il faut inviter les gens à l'islam avant le combat. Qu'il n'est pas permis de débuter hein, ou de combattre des gens avant de les avoir invités à l'islam. Et donc, celui qui accepte hein, la foi et qui accepte l'islam, eh bien, on accepte de lui. Tandis que celui qui n'accepte pas l'islam, eh bien, c'est celui qui sera celui-là sera combattu après que l'islam lui a été clarifié et après qu'on ait établi contre lui la preuve. Et c'est ça ici le point que que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu établir par rapport justement à l'importance d'inviter les gens à la ilaha illallah et à l'islam. Et donc, la da'wa et le fait d'inviter à Allah, et ça c'est quelque chose qui précède le combat dans le sentier d'Allah. Et ça c'est ce qui indique l'importance de la da'wa et de son statut dans la religion. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité uniquement à lui dire « invite-les à l'islam », mais plutôt également de leur expliquer qu'est-ce que c'est l'islam. Parce qu'il a dit dans le hadith « وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ » C'est-à-dire « informe-les de ce qui est obligatoire pour eux des droits que Allah a hein, dans l'islam. » C'est-à-dire, explique-leur ce qu'est l'islam et explique-leur la réalité de cette religion pour qu'ils puissent la connaître, cette religion. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y a certains prêcheurs qui incitent les gens à la religion. Et ils essaient d'attirer les gens à l'islam. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam. Et ils ne savent pas non plus quels sont les annulatifs de l'islam. Et quelles sont les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et quels sont les piliers de l'islam. Et quelles sont les choses qui viennent parfaire l'islam et compléter l'islam. Et quelles sont les choses qui annulent l'islam? Et donc, ça, c'est des choses que la personne qui appelle à Allah et qui prêche l'islam, elle doit connaître ces choses-là. Elle doit être un savant à propos de ça et les détails des choses auxquelles il appelle, hein, jusqu'à ce que les gens puissent comprendre clairement ce qui est voulu d'eux et ce qui est expliqué. Et donc, le but, c'est quoi? C'est d'expliquer aux gens la réalité de l'islam. Qu'est-ce que c'est? Et que l'islam signifie de se soumettre à Allah en établissant son unicité, hein, dans l'adoration et dans la foi, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance, et de se désavouer et de rejeter le shirk. Et tous ceux qui le pratiquent, tous ceux qui font du shirk, c'est-à-dire qui associent avec Allah et qui adorent d'autres que Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose peut être. Depuis que quelqu'un adore une créature quelconque en dehors d'Allah ou avec Allah, hein, il faut s'en désavouer et se désavouer de ceux qui le font, de ceux qui adorent d'autres que Allah. Et d'expliquer ça aux gens, et d'expliquer également aux gens la réalité des cinq piliers, qu'est-ce que ça signifie les cinq piliers de l'islam, et que le reste de la religion, parmi les bonnes œuvres qui sont établies sur ces cinq piliers-là, eh bien, ces autres éléments de l'islam sont là pour compléter l'islam. Hein? Et parmi les choses qui complètent l'islam, il y en a des choses qui sont obligatoires, et il y en a d'autres qui sont recommandées. Et parmi les péchés et les choses interdites, il y en a qui viennent diminuer la foi et l'islam d'une personne. Et il y a d'autres éléments parmi ces péchés-là qui peuvent même venir détruire complètement et annuler complètement l'islam d'une personne. Parce que parmi ces péchés, il y en a qui sont des choses qui sont des formes d'apostasie, qui peuvent annuler la foi d'une personne complètement. Et il y a d'autres éléments parmi les péchés qui ne sont pas des éléments qui vont jusqu'à ce point-là et qui sont moins grands en gravité, hein, ou moins importantes en gravité que cela. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut clarifier et expliquer à des personnes qui désirent entrer en islam. Et tout ça, c'est important donc de le connaître dans le but d'inviter les hommes à Allah et d'expliquer aux hommes et aux femmes et à toutes les créatures, à tous les êtres humains, la réalité de cette religion. Ensuite, le cheikh, il dit « Thumma aqsama » صلى الله عليه وسلم فقال فوالله وهذا فيه الحلف على الفتوى أن الإنسان إذا كان متأكدا من الصواب فإنه يحلف فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فهذا فيه الترغيب في الدعوة وأنه لو اهتدى رجل واحد على يدك فإنه خير لك من أموال الدنيا ونفائس الدنيا لأن الحمر النعم هي الإبل الحمر يعني التي لونها أحمر لأنها أنفس عند العرب فرجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من أنفس الأموال وهذا إذا اهتدى على يدك رجل واحد فكيف إذا اهتدى على يدك أو على يديك أمة من الناس اهتدى على يديك أهل بلد أهل إقليم اهتدى على يديك أجيال متعاقبة من الناس فهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل وفيه بيان منهج الدعوة وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال وفيه فضيلة لعلي رضي الله عنه وفيه عدة معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه حيث أخبر عن أشياء مستقبلة فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah. Et donc il a dit fa wallah et ça c'est le fait qu'il est permis de jurer lors de la fatwa, c'est-à-dire lorsqu'on informe d'un verdict religieux et c'est lorsqu'une personne est certaine que elle est correcte, elle est que ce qu'elle dit est exact. Donc elle jure de ça. Et il a dit, je jure par Allah que si Allah guide par toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rouges. Et le cheikh, il explique que ça, c'est pour inciter les gens à inviter les gens à Allah. De leur faire comprendre que si tu arrives à être la cause de la guidance d'une seule personne et que quelqu'un est guidé par ta main, eh bien que c'est meilleur pour toi que de posséder les meilleurs et les plus convoités de tous les biens et les richesses de ce monde. Et les chamelles rouges, c'était les richesses, c'était la richesse qui était la plus grande que les Arabes possédaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose qui était plus précieux et qui avait plus de valeur pour un arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les chamelles rouges. Et donc il était en train de leur dire, voyez les richesses que vous possédez, la plus grande de ces richesses-là qui est la chamelle rouge, eh bien c'est meilleur pour vous de guider, d'être la cause de la guidance d'une personne que de posséder les chamelles rouges. Et donc c'est pour dire donc que ça, c'est la récompense qui t'attend si une personne est guidée à l'islam à cause de toi. Alors, si c'est le cas pour le fait qu'une seule personne soit guidée, que dire de la personne qui est la cause de la guidance d'une nation entière, ou des habitants d'un pays, ou d'une région entière qui se convertissent à l'islam par ta main? Hein? Et donc, ils sont guidés à l'islam par ta cause. Et les générations qui se succèdent les unes après les autres par la suite, qui sont sur l'islam, et toi tu vas être yani, la cause de ça, et tu auras les récompenses pour tout ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre hadith, que quiconque invite à une guidance, il aura une récompense comparable à la récompense de celui qui l'a suivi dans le bien, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui invite à un égarement, hein, eh bien, il aura le péché comparable à celui qui l'a suivi dans cet égarement-là, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché à eux. Donc ça, c'est pour inciter les gens et leur faire comprendre la grande récompense qu'il y a dans le fait d'appeler à la vérité, et que si les gens acceptent de nous cette vérité-là, eh bien, qu'on aura la part de la récompense du bien qu'ils font après nous, hein, et du fait qu'on a été la cause dans le fait que ces gens-là aient suivi la vérité. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, Fahada, donc il y a dans ça le mérite et l'excellence, et il y a la grande grâce dans le fait d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi dans ça l'explication de la méthodologie à suivre dans la da'wah, et le fait qu'on ne doit pas précéder la da'wah, on ne doit pas faire précéder la da'wah par le combat, hein? Mais plutôt c'est le contraire, on fait précéder la da'wa, et ensuite, s'il refuse, il y a le combat. Et il dit, ça c'est aussi, il y a dedans le mérite pour Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et il y a dans ça également, dans ce hadith, de nombreux miracles, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui indiquent qu'il était véridique, et des choses dont il a mentionné par rapport à qu'est-ce qui allait se produire dans l'avenir, qui se sont produites telles qu'il l'avait annoncé. Et il y a ici, ensuite le cheikh il dit wa fihi at-tabarruku bir rasul sallallahu alayhi wa sallam wa man yanfasilu min jismihi ash-sharif min riqin aw araqin aw sha'rin wa hadha khasun bihi sallallahu alayhi wa sallam wa amma ghayruhu fala yatabarraku bihi walau kana min aslah an-nas ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa as-sahaba wa ma kanu yatabarrakuna bi atharihim inma hadha khasun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam wa la yani wa la yatabarraku bi qabrihi wa la yatabarraku bi darihi wa la yuqalu innahu wa la yatabarraku bi darihi allati yuqalu annahu wulida fihi أو الغار الذي جلس فيه وغير ذلك من الأمكنة إنما هذا خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم في حال حياته لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار فلا يبقى يعني عرق فلا يبقى عرق ولا ريق ولا شعر وإن بقي الشعر فإنه لا يستمر ويوجد الآن من يروجون على الناس ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا وهذا وينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كذب. Donc le cheikh il explique ensuite que un point important par rapport à at-tabarruk. At-tabarruk, ça veut dire quoi? Ça veut dire de chercher une bénédiction dans quelque chose. Et donc, le cheikh explique qu'on a le droit de chercher une bénédiction en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qui fait partie de quelque chose qui fait partie de son corps. D'accord? Ça, à la base, c'est permis. Et c'est pour cette raison-là que les sahaba, ils cherchaient la bénédiction dans ce qui faisait partie de qu'est-ce qui vient du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sa salive ou sa sueur ou ses poils ou ses cheveux, et tout ce qui était particulier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui était attaché à son corps. Donc si c'était une chose qui était rattachée à sa personne, eh bien, il pouvait chercher de ça une certaine bénédiction parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni. Hein? Mais, il dit le cheikh, mais par contre, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui est comparable de cette façon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si c'est la plus pieuse de toutes les personnes et le plus vertueux de tous les hommes, que ce soit Abu Bakr ou Omar ou Uthman, donc, ou quelconque parmi les sahaba, on n'a pas le droit de chercher la bénédiction des reliques ou des choses qu'ils ont laissées qui ont été une partie de leur corps. Et si c'est le cas qu'on ne peut pas le faire même avec Abu Bakr, Omar et Uthman, alors n'importe quel autre parmi les hommes qui vient, parmi les musulmans qui viennent après, et surtout des soi-disant hommes à notre époque, eh bien encore moins que Abu Bakr, Omar et Uthman. Parce qu'il y a des soufis aujourd'hui qui, eux, prétendent que les restes des choses du corps de leur cheikh, c'est des choses qui sont des sources de bénédiction. Et donc, ils essaient d'agir avec leur cheikh de la même manière que les sahaba faisaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est totalement faux et bâtil. J'ai vu des vidéos même des gens qui sont dans certains pays, subhanallah, lorsque leur cheikh est venu et qu'il a mis son pied quelque part ou qu'il s'est assis quelque part, une fois qu'il est parti, il se roule dans la poussière de cet endroit et il pense qu'il y a de la bénédiction là-dedans. Ou bien ils essaient de toucher la personne et toucher les choses qu'il a touchées en pensant que dans ça il y a une bénédiction quelconque. Et donc tout ça c'est bâtil, c'est des khurafat. Et le cheikh explique un point aussi important, il dit qu'on n'a pas le droit de chercher la bénédiction également de autre chose que de ce qui fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ça c'était pendant sa vie, et s'il restait quelque chose de lui après lui, hein, eh bien ça c'était spécifique justement à ces parties de son corps qui étaient présente. Et le cheikh il clarifie parce que il dit il y a des gens qui cherchent la bénédiction par exemple de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de la maison dans laquelle on prétend qu'il était né de cet endroit là. Donc j'ai vu des gens par exemple à la Mecque qui vont dans un petit endroit qui est près du haram et ils disent cet endroit là c'est là où il y avait la maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et effectivement, si tu vas là-bas, tu vois clairement que c'est une construction récente. Il y a rien qui reste de la construction d'origine de un. Et même si c'était le cas, il n'y a pas de bénédiction spéciale dans quoi que ce soit de ça. Hein? Même si c'était l'exact matériel ou la vraie maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né, les sahaba n'ont jamais fait ça. Les sahabas n'ont jamais fait ça. Et non plus la grotte dans laquelle il allait s'asseoir avant la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné d'aller à cet endroit-là. Et les sahabas, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la première révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais retourné dans cette grotte-là par la suite. Et ni les sahabas. Et ils ne croyaient pas que d'aller à cet endroit-là impliquer une récompense ou un mérite quelconque. D'accord? Donc, d'y aller à cet endroit-là, ça fait partie des innovations et les gens de l'ignorance, ils se cassent, ils se fatiguent pour monter jusqu'à cet endroit-là. Et ils pensent qu'il y a un mérite là-dedans, mais effectivement, il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas de bénédiction spéciale à cet endroit-là. Et il dit que toute la bénédiction est spécifique à qu'est-ce qui fait partie de son corps seulement. Et ça, c'était durant sa vie. Hein? Et il dit, une fois qu'il est mort, ça c'est terminé maintenant. Et s'il reste quelque chose, par exemple, de ses cheveux, parce qu'il y a des gens qui prétendent, ça c'était des cheveux qui appartiennent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce que les gens prétendent aujourd'hui comme étant les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des mensonges. Il n'y a aucune vérité à ça. Donc tout ça c'est important parce qu'il y a des soufis, en particulier des soufis, qui propagent ces mensonges-là, et qui utilisent ces choses-là pour faire toutes sortes de propagande mensongère pour faire des superstitions et toutes sortes de bid'a et de shirk avec ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on va s'arrêter ici pour ce qui est de ce hadith aujourd'hui. Puis, on continuera au prochain cours, inshallah, l'explication. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.